Cette semaine, on parle de San Francisco, d'un tricheur et de balance des blancs. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 83. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Yes, salut. Et Christian Jarry. Hey, bon retour les gars. Ça fait longtemps. Ouais, un peu, oui. Oui, oui. Ouais, on avait bien hâte. De retour en forme pour 2016. 83e épisode quand même. Hein? Mm-hmm. Et on est retour en forme de quoi? De gens heureux d'être retour? Oui, de retour? Oui, ben moi je suis heureux en tout cas. Ouais, très moi aussi. Heureux. Ouais. Ça longtemps, me manquait. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait côté photo? Parce que là... Depuis le temps qu'on s'est vu, c'est clair que vous avez eu l'occasion de faire de la photo à au moins une ou deux reprises. Au moins, au moins. T'as fait quoi? Honnêtement, j'ai pas fait tant de photos que ça. J'ai été bien occupé dans les deux, trois derniers mois. Là. Disons que ça a pas été... Mais par contre, j'ai fait quelque chose. J'en ai quand même fait. Je fais des critiques là, pour des objets pour Best Buy là, depuis un peu plus qu'un an maintenant. Mm-hmm. Puis ils m'ont demandé, des montres qu'ils nous ont passées de Guess. Une montre avec des fonctions intelligentes, qu'on pourrait dire. Une montre connectée. Ouais, c'est ça, exactement. Puis ils voulaient avoir juste un petit aperçu vidéo de tout ça, tu sais, des fonctionnalités, etc. Fait que ça a été un peu un casse-tête, par exemple, le faire, parce que au début, je voulais prendre ma 7D. Sauf que le léger problème de la 7D étant que quand t'es le seul qui filme, il n'y a pas d'autofocus dessus. Ah oui, fait que là, je pouvais pas jouer avec du tout. Fait que là, bon, j'ai fait des tests, ça donnait pas un résultat vrai. Ben, pas à mon goût en tout cas. Mm-hmm. Fait que finalement, ben, j'ai opté pour ma petite Canon. Ta petite Sony, tu vois. Ma petite Sony, excusez, ouais, oui, t'as raison. Ouais, t'as bien fait de me reprendre. Ma Ericsson Mark II. Puis ça a super bien été avec ça, j'ai pas eu de problème. Le résultat est quand même potable. Je suis content de que ça a donné. Puis. Le patron aussi, fait que... J'en reparlerai dans un épisode futur, mais j'ai pu voir la Ericsson Mark IV. Oui, j'ai entendu parler. Mmh. Ouais, je l'ai vu à l'œuvre. On va en reparler, c'est sûr. Je m'en doute. Mais ouais. Je ne me créerai pas de besoin, il n'y a pas de danger. Non, non. Peut-être moi, non. François, toi, de ton côté? Moi, j'ai ma compagne de vie qui a décidé de se lancer un petit peu en affaires en faisant des pots de légumes sous vide. L'automne, c'est la saison, disons, des fèves, tout ça. Bon, let's go. On fait du canage, puis elle m'a demandé si ça tenterait-tu de faire des photos de nos produits. C'est parfait. Comme important. Oui. Fait que j'ai sorti les petits objets qui sont bien à la mode, là, de planches de grange. J'ai mis ça dans le fond. Les pots de vent, éclairer ça. J'ai sorti mes éclairages. Puis let's go, j'ai éclairé. Tu as fait ça, des photos de nature morte, finalement. Oui, oui, exactement. Puis c'est quasiment comme des fleurs, parce qu'on voit au travers des pots, puis c'est des légumes qui sont dans la saumure. Là. Fait que non, c'était très cool. On a pris peut-être un petit 2 heures pour faire ça. Puis, j'ai hâte de voir ça. Avec la 7D, good. Qui est toujours vivante. Ça t'offre ces petits appareils-là. Moi aussi, elle fonctionne très bien. C'est juste sûr que vous en servez pas, fait que ça dure une éternité. T'as combien de photos prises avec ton appareil photo? Moi, je suis rendu à 55 000. Ah, je sais pas. Je suis rendu à 25, mais ça fait 2 ans que je l'ai. Ouais, on jase. Moi, il faudrait que je regarde ça. J'ai aucune idée. Je sais même pas comment aller voir le nombre de clics. Il y a des petits logiciels qui te permettent de j'imagine, voir. Oui, j'imagine, mais bon. Non, mais j'exagérais. Je dois être à 18, 19 000 peut-être. Bon. En 2 ans. Arrête de te rendre important, là. Je me rends pas important, mais j'ai de plus en plus d'occasions de faire de la photo, ou je trouve de plus en plus d'occasions de faire de la photo. D'ailleurs, je vais... Justement. C'est à mon tour d'en parler. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu as fait en photographie? Quel lien, Christian! C'était naturel. Incroyable. Ça paraît qu'on n'a pas arrêté durant le temps des fêtes. moi, je suis allé en décembre, parce qu'on peut reculer jusque-là, je suis allé à San Francisco au PlayStation Experience. Uh-huh. Ouais. Invité par Sony, imaginez-vous. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, c'est triste, hein? Ouais, ça, c'est... En tout cas, c'est dur la vie de Jet Set. Ouais. Oh, Seigneur! Ceux qui me connaissent savent que je plaisante vraiment. Là. C'est pas mon genre de me vanter de ce genre de truc-là. Je suis fier. Si j'en parle, c'est parce que je suis vraiment fier. Là, parce que ça m'arrive jamais ou à peu près. Là. C'est la deuxième fois de ma vie où je me fais inviter dans un truc. Mm-hmm. Donc, je suis allé passer 3 jours à San Francisco. Et en fait, j'ai même pris une nuit à mes frais à l'hôtel parce que je voulais visiter la ville tant qu'à être là. Ah ouais, donc, tu as bien fait. Ouais. Donc, je suis arrivé le jeudi soir. Puis le vendredi, ben, première destination, le Golden Gate Bridge, où je me suis payé la traite. J'ai pris pas mal de photos du fameux pont rouge. Quelques petites photos d'Alcatraz que je voyais très loin, mais j'avais seulement mon 24-70, donc je pouvais pas. Un peu limité. Je pouvais pas zoomer. Mais au fil de la journée, tout ça, bon, je me suis rapproché. Je suis allé faire le fameux cable car, là, l'espèce de tramway qui monte la rue très en pente, le Powell Street. Je suis allé à Lombard Street, la rue qui zigzague. Et puis après ça, je suis descendu vers Hyde Street Pier pour voir Alcatraz de plus près. Je suis allé jusqu'au bout du quai. Puis je suis allé photographier Alcatraz qui, malgré tout, restait un peu petite dans mon objectif, mon 70 mm. Mais quand même, j'étais content. Au moins, je l'ai prise en photo. Puis j'ai pris un paquet de photos. J'ai fait un album. J'ai finalement sorti un album en janvier. Ben, je pourrais mettre le lien. Là, vous pourrez aller voir ça sur Flickr. Et ben, la raison principale de ma visite à San Francisco, c'était le PlayStation Experience, deuxième édition, où j'ai pu aller essayer. Ben, je ne les ai pas tous essayés, mais il y avait une centaine de jeux pour la PlayStation 4 qui étaient présentés, lancés, annoncés et tout ça. Et puis, ben, j'ai pu m'entretenir aussi avec des producteurs, des développeurs de jeux et compagnie, puis essayer le PlayStation VR, voir la réalité virtuelle, tout ça, c'est très, très cool. Par contre, moi, j'ai le mal des transports. Oh. Et j'ai essayé un jeu de course. Ouais, ouais, je pense que c'était Drive. Et puis, ben, après 2 à 3 minutes, j'ai retiré les lunettes. C'était Pogne le champ. C'était vraiment... Ben, c'était après Drive, Pogne le champ. Oui, c'est ça. C'est parce que ton champ de vision bouge, l'image bouge, mais ton corps ne bouge pas. Puis, ben, ça donne le mal des transports. Mais bon. Alors, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos aussi au PlayStation Experience. Je pourrais mettre un lien vers une petite galerie photo. On fait un petit aparté. Qu'est-ce qui t'a... T'as-tu vu quelque chose qui t'a emballé par curiosité? Oui, j'ai vu, pour ceux qui sont quand même un peu plus vieux et qui jouent depuis longtemps, j'ai vu une remasterisation de Shadow of the Beast. Remasterisation? Oui. Shadow of the Beast Remastered. C'est un jeu de combat et tout ça, là, un jeu d'arcade, si on veut, mais qui était paru sur Amiga, sur Atari ST. Beat'em up, mais j'essaie de me rappeler c'est quoi le terme français. Ben, pas un beat'em up, non. C'était pas un jeu de baston, non. t'étais pas de côté, puis tu te battais. Oui, ben, c'était un side-scroller. Une bastonnade. Ouais, t'avais un petit peu de... mais c'était pas juste... comme un Street Fighter et compagnie. C'est un jeu de combat. Non, les beat'em up, c'est plus genre Double Dragon. Oui, si on veut. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais beaucoup plus beau. La barre est haute. Puis il y a Day of the Tentacle, qui était un peu la suite de Maniac Mansion et tout ça. Ça aussi, il y a une nouvelle version qui sort. Il y a un paquet de jeux. Écoute, il en présentait plusieurs. Là. Uncharted 4. On pourrait faire une émission c'est clair. Sur les jeux vidéo. J'étais juste curieux, tu sais, si tu avais quelque chose qui t'avait marqué. Oui, ben, il y en avait plusieurs. Il y avait les jeux de réalité virtuelle. Là. Il y a... C'est-tu Office Simulator ou un truc comme ça? Là. Ça ressemble à c'est un simulateur de cubicule. Et vu comme ça, ça paraît très anodin, très banal. Mais tu te retrouves avec des contrôleurs qui sont le PlayStation Move ou dans le cas du HTC Vive, dont peut-être je reparlerai quand je parlerai du CES. T'as 2 contrôleurs et tu peux prendre les objets, interagir avec les objets de ton cubicule, les lancer, te verser une tasse de café, des trucs comme ça. Et c'est vraiment drôle parce que ça se passe comme dans 50 ans, puis il n'y a plus personne qui travaille, ce sont les robots qui font tout. Et là, ben, les robots, ils veulent savoir comment on travaillait, nous, à l'époque. Donc, ils ont créé un simulateur de travail humain dans un bureau. Je n'ai entendu pas parler de ça. Il paraît très, que c'est ça, drôle. Tout le monde disait c'est à quoi qu'ils ont pensé, puis ils se sont mis à jouer, entre guillemets. Oui. Puis il paraît que c'est amusant. C'est très amusant. Bon, écoute, on passera peut-être pas 6 mois. Pas de la payer 60$ pour, là, mais... Non, tu... c'est ça. Mais comme tech démo, c'est intéressant. Oui, comme démo pour montrer le produit, c'est très, très intéressant. Cool. On va passer au bloc nouvelles. Il y a plusieurs nouvelles. On en a 4 aujourd'hui. Christian, tu peux commencer. Olympus. Je pense que c'est une compagnie qui avait, il y a quelques années, quasiment disparu ou à peu près. Là. Il avait ressorti là, avec le OMD. Je me rappelle jamais comment il s'appelle. Le OMD, EM1 ou EM5. Trop long comme nom. Là. Bref, un appareil quand même très respectable qui a beaucoup d'amateurs. Il y a... Ça me fait rire, moi, qu'ils ont ressorti cet appareil-là. On pourrait dire ressorti, mais ils ont refait un ancien appareil qui s'appelait le Pen F. Mm-hmm. Je me rappelle en avoir vu beaucoup de ça. Ça doit être pas oui. vieux, là, mais en tout cas, je m'en ai déjà vu. Mais si ce n'est que dans les films ou des affaires comme ça, quand vous allez voir la photo, c'est clair que vous allez vous rappeler de ce style d'appareil photo-là. Mais évidemment, j'ai-tu besoin de mentionner qu'il n'y a pas de film dedans. C'est encore un autre appareil 4 tiers. Assez intéressant. Par contre, j'ai lu... c'est un peu mitigé la réception. Mmh. Tout le monde est intéressé par ce qui a l'air, mais sont un petit peu déçus par les spécifications en tant que telles. C'est pas une grosse amélioration tant que ça versus ce qu'ils ont déjà. Fait que c'est pas... en tout cas, parce qu'il y a des caractéristiques intéressantes. Il parle d'un mode où tu peux capturer une image RAW de 50 mégapixels. Mais c'est parce que le problème, que c'est qu'il passe, je pense, c'est... Si je me rappelle bien, le OMD, celui qu'on a parlé tantôt. Le M5, oui. Oui, c'est ça. Lui, un capteur de 18 mégapixels, 16 mégapixels, lui, il est à 20. C'est pas une grosse... Oui, mais il est plus compact, non? Un pen, c'est compact. Mais tu sais, c'est... En tout cas, il disait que, tu sais, versus qu'est-ce que t'as avec l'autre, oui, peut-être pour la grosseur, c'est intéressant, mais spécification, c'est pas énorme l'avantage. Ce qui ne peut pas dire qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas appréciable. Tu sais, quand même, on a un ISO de 20 à 25 000 600. Mm-hmm. Je crois que c'est quand même très bien. ISO 20 à 25 000? 200. Okay. C'est moi qui ne sais pas les. Je trouvais vraiment bas. Non, mais par contre, tu peux aller jusqu'à 80. OK. Il y a un mode spécial que tu peux aller jusqu'à 80. C'est rare. D'habitude, on peut augmenter, mais descendre, il n'y en a pas énormément qui le permettent. Mais c'est pratique, une journée qui fait super soleil, il y a de la neige. Tout à fait. C'est pratique. Comme ça, tu peux garder une ouverture un peu plus ouverte. Tu peux avoir un peu plus de profondeur de champ. Un peu moins de profondeur de champ, je veux dire. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, pour un appareil à 1 200 $ US, c'est pas donné. Si ma mémoire est bonne, puis je ne l'ai pas dans cet article-là, mais ça, je l'ai lu ailleurs. L'autre défaut qu'il y avait, c'est qu'il n'est pas tropicalisé non plus. OK. Ça, avec, ça commence à, tu sais, à 1 200 $, pas tropicalisé rien, ça commence à être quand même dispendieux. Oui, puis je vois qu'il enregistre de la vidéo à 1080p, il n'y a pas de 4K, alors que la plupart des nouveaux modèles sortent tout en... Encore une fois, loin d'être un mauvais appareil, c'est sûr, c'est juste... Peut-être un petit peu... Il n'y a pas l'expression que c'est « underwhelming » en français un peu... C'est pas très emballant, disons. C'est ça. Emballant pour le look, mais pas emballant pour le reste. OK. Ben, ça sera à voir. Je pourrais essayer. Ouais, je vais peut-être les contacter pour... Peut-être qu'on va changer d'opinion quand on va l'avoir dans les mains. Hein, je ne demande qu'à être confondu. Exactement, moi aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'appareil à tester, Stéphane? Oui, la pause du temps des fêtes du CRS et compagnie, ça fait en sorte que j'ai quelque peu relâché mes multiples demandes. On comprend ça. Toi, François, de ton côté... Ah non, c'est moi qui ai une nouvelle maintenant. Ben oui, Stéphane. Ça m'arrive de parler de sujets dans cette émission-là. faut s'en mettre dedans, on est un peu rouillé quand même. Alors, réjouissez-vous. Il va y avoir un adaptateur pour mettre des objectifs Nikon sur un appareil Sony, comme le A7, A7R et compagnie. Donc, pour ceux qui ne jurent que par les objectifs Nikon et qui aiment l'aspect plus compact des Sony Alpha, c'est vraiment intéressant parce que en fait ça va même fonctionner sur l'autre série qui remplaçait les NEX, là, la série des A5100, A6000 et compagnie. Fait que c'est merveilleux parce que le parc d'objectifs de Sony s'est un petit peu élargi depuis 2 ans, mais ça reste encore relativement limité là, si on compare surtout à Canon ou Nikon. Ouais, mais tu sais, bon, ils sont là depuis toujours aussi. C'est ça. Puis là, Sony ont reparti avec. Ils sont repartis à zéro quand ils ont lancé les A7 et A7R là, il y a 2 ans et demi. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant au moins de pouvoir ajouter des objectifs Nikon, justement, parce que on s'entend que c'est de la qualité. Pour en avoir essayé quelques-uns, en tout cas, les images. Sont toujours très, très nettes. C'est ça. Le petit objectif va coûter environ 290 $ américains. Donc, on parle de 800 $ canadiens. Non, c'est pas vrai. Avec le taux de change, on s'entend que ça va être autour de 400, je pense. Ouais, 425 dans ce coin-là. Ce qui n'est pas donné pour un adaptateur. Mais bon, il permet de faire la mise au point. S'il permet d'économiser 10 000 parce que tu as moins d'objectifs à acheter, ça vaut peut-être la peine. Et voilà. Fait que... Et ben là, pour ce qui est du lancement et compagnie, j'ai pas de date précise, là, mais... Je suis intrigué, t'as-tu... Peut-être... Tu sais, j'aime ça de poser des questions pièges, là, des fois, à l'occasion. Ouais. Ton objectif, restes-tu plein capteur? Ah, je sais pas. Oui, ça reste plein capteur. C'est bon. Non, mais... parce que des fois, tu sais, les adaptateurs, ça a des résultats... Oui, non, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça mes fameuses petites bagues à longe, là, mes tubes à longe que j'ai pris pour... c'était mon Sony Nexus. Ceux-là, ben, c'est pas plein capteur. Fait que si je les mets sur mon A7, je dois toujours renier les lignettes. Mais dans ce cas-ci, non, c'est plein capteur, cool. Plein format. Et ben, c'est pour ça qu'on peut les mettre aussi sur les A5100 ou A6000, parce que comme c'est plein format, ben, ça change absolument rien si tu mets ça sur un capteur APS-C. Ben, ça change quelque chose, mais ça change rien. Ben, c'est ça, voilà. C'est que tu as un meilleur objectif sur un appareil moins haut de gamme. François, de ton côté? Ah, les gars. L'Internet, hein? Cette semaine. Les Qu'est-ce Internet. Qu'est-ce qui s'est passé sur les intertubes? Ouais, tu nous parles. Laquelle? Non, je viens de réaliser de quoi il va nous parler. Ouais. Là. Mm-hmm. Nikon. OK. Allons-y. Avec Nikon Singapour, OK? Ils ont une belle petite page Facebook. Et cette semaine, ils ont décidé de remettre un prix à un photographe qui a eu l'extraordinaire chance d'avoir un avion qui a apparu au moment et à l'endroit le plus parfait possible dans sa composition d'image. OK, il est en train de... Il se promenait au centre-ville de... Je me rappelle plus quelle ville, en Chine. Puis il se rend compte qu'il y a des escaliers qui mènent vers le ciel, tu sais, le long d'un building, j'imagine. Puis il se lève la tête dans les airs, il trouve que c'est une belle composition. Il y a un avion qui passe. Clic! Hey, il est chanceux. Il est-tu chanceux? Ouais. Fait que vraiment, quand Nikon Singapour a vu ça, évidemment, il l'a posté, ben, ils ont dit, écoute, c'est incroyable cette photo-là, le timing est parfait, là, la composition est belle, tout ça. On va te donner un beau sac, tu sais, de caméra. Et ils ont mis la photo en ligne. Hey, ça n'a pas pris de temps qu'il y a un paquet de photographes qui se sont dit, ça, c'est trop parfait, cette photo-là, c'est sûr. C'est quoi les chances de capturer un avion qui passe à l'intérieur d'anneaux? C'est une chose que ça passe à l'intérieur des anneaux, mais c'est qu'elle soit parfaitement alignée avec l'échelle. Il a pris exactement au centre aussi, en longueur. C'est incroyable. Là. Fait que, évidemment, il y a des photographes qui se sont tout de suite mis au travail pour regarder comment que ça pouvait être possible en jouant un peu avec les niveaux de lumière sur la caméra, sur la photo, on s'aperçoit qu'il y a un petit carré blanc autour de l'avion. Comment botcher ton Photoshop en plus, tu sais, sérieusement? Ça pourrait-il que cet avion ne soit pas dans le ciel à ce moment-là? Il y a des bonnes chances, oui. Ben oui. Et s'ensuit aussi un paquet de jokes, tu sais, évidemment, l'Internet étant ce qu'elle est, puis ça, c'est ça qui me fait le plus rire. Moi aussi. C'est qu'il y a une photo d'un TIE Fighter, tu sais, qui passe dans le même cadre, la face à Darth Vader. J'aime bien Godzilla, moi, oui. Écoute, c'est parfait, là. Tu sais, ce genre de joke sarcastique-là, moi, j'ai. Il y en a un qui dit, si vous regardez de plus près, parce qu'il est tellement grossi que ça devient, on voit les pixels, ça dit, c'est un avion qui vient de Minecraft, en fait. C'est vraiment parfait. Il y a vraiment n'importe quoi. Puis, une des réponses que j'ai adoré le plus, c'est un photographe qui expliquait comment faire un bon Photoshop pour pas que ça paraisse. C'est bon, ça? Il parlait de layer, en tout cas, une fonction que je connais pas. Des couches, là, dans Photoshop. Oui, multicouches, en tout cas, quelque chose comme ça, puis il expliquait, garde, c'est comme ça que tu le réussis. Ben, il aurait pu juste prendre le fameux Magic Wand, là, baguette magique. Ça, déjà, ça aurait été déjà un peu mieux. Une sélection qui n'est pas nécessairement en ligne droite ou quoi que ce soit, puis ça aurait suivi le pourtour des ailes de l'avion. Oui. Puis tu aurais pu extraire tous les pixels autour du fameux avion et ça aurait été beaucoup plus difficile à détecter. En tout cas, moi, dans tout ça, je suis déçu parce qu'il n'y a plus moyen de tricher. Je veux dire, c'est... Si tu savais. Il y avait une couple d'années aussi, une autre affaire de même à National Geographic. Je pense qu'on avait même parlé, nous autres aussi, je pense, de ça, que des Photoshop, maintenant, ceux qui sont bons sont pas faciles à trouver. Lui, c'était pas fort, là. C'était pas très fort, mettons que... Ben, ça nous a divertis. Définitivement. Moi, juste la réponse des photographes, je riais. Là. C'est parfait. C'est juste parfait. Alors voilà, c'était la joke de la semaine. Excellent. Et ben moi, je vais... Là, on va passer un petit topo. Ben, en fait, deux topos. Ben, un topo et quart. Juste en passant, tu avais dit qu'il y avait quatre nouvelles. Hein. Oui, ben j'ai menti. C'est ça. Tu vois, il y avait un tricheur dans l'épisode, puis il y avait un menteur. C'était concept. C'est bon, c'est concept. Non, c'est que j'avais quand j'ai ajouté la quatrième nouvelle, j'ai pas remarqué que c'était la même que François parce que le titre était différent. Puis en fait, j'ai fait ça rapidement à la dernière minute parce que ça s'est produit. J'ai trouvé ça vient. Pas longtemps oui. avant l'épisode. C'est vrai. Puis j'ai dit, j'ai une nouvelle. Parfait, on va la sortir. Puis finalement, non. Ben oui, François qui travaille bien. François travaille fort. Était déjà sur le cas. Ouais. Je vais parler. Apporter en fait une petite précision à la terminologie photographique. Ouh. Ouais. Qu'est-ce que le bokeh exactement? Parce qu'on en a déjà parlé. Mm-hmm. Mais c'est quoi le bokeh? Est-ce que. Quand on parle de bokeh, est-ce qu'on parle de flou causé par la profondeur de champ? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas par la profondeur de champ. Je pense que le bokeh, c'est plus par rapport aux. Pas les objectifs, les. Parce que j'avais lu quelque chose que dépendant de combien que tu as de lentilles dans ton appareil, ça va avoir un effet sur le bokeh. De lame, c'est ce que je cherchais. Ça va avoir un effet, tu peux avoir plus pentagone, plus rond, etc. Bon, mais François, il passe le test, on le garde, c'est ça, pour encore quelques épisodes? Oui. Je vais te dire ce que moi, j'ai toujours su. Mm-hmm. Puis tu me diras, Stéphane, si j'ai raison. Mm-hmm. Le bokeh, c'est... Surtout, on le voit s'afficher. Ben, c'est exactement ça, Christian, en fait. C'est le nombre de lamelles qu'il y a dans l'iris, okay, dans le diaphragme. Ouhou! Plus qu'il y en a, plus que le bokeh va apparaître bien sur une petite lumière là, tu sais, intense dans le fond de ta photo, ou en tout cas, ou en avant. Oui. Aussitôt que tu te mets en foyer, ça devient un beau cercle qui s'agrandit plus que tu te mets en foyer, évidemment. Mm-hmm. Et plus qu'il y a de lamelles, plus que le cercle va être parfait. Parce qu'entre chaque lamelle, il n'y a pas d'angle. Il y a de moins en moins d'angle. Si on a un diaphragme à 5-6 lamelles, ben là, ça va faire une espèce de pentagone ou un hexagone. Ben, si vous voulez le meilleur exemple que j'ai jamais vu de ça, vous trouvez, il y a des photos, c'est facile, là, il y en a plein sur Internet. C'est pourquoi qu'on paye un prix différent pour une 50 mm à 1.8, 1.4 et 1.2. Juste avec le bokeh, vous allez avoir votre réponse très là. En effet. Mm-hmm. C'est vraiment pas la même chose de l'un à 3. C'est intéressant. Mm-hmm. Tu peux avoir quelque chose de le fun, même avec la 1.8. C'est drôle parce que c'est comme vraiment un pentagone quasiment. Là. C'est vraiment pas la même chose. Mais ça peut être le fun pareil. C'est pas que c'est laid, c'est juste différent. Oh, oui, oui. C'est dans la finition, là, tu sais. Oui, c'est ça, là. Ça se passe là. Bon, puis il y a le fait aussi que ça permet de faire entrer encore plus de lumière, là, F1.4 ou F1.2, mais c'est ça. Donc, grosso modo, le bokeh, c'est l'effet créé par les lumières qui sont hors focus et qui créent une espèce de... Ben, pas de halo nécessairement, mais qui vont créer une espèce de rond de lumière, là. Ouais. Et puis... ça fait la même chose quand j'enlève mes lunettes. Oui, bon, ben voilà. Fait que t'as des yeux F1.2, F1.4. Non. Je pense qu'il y a des couleurs, toi, là-dedans, en plus. Ah, oh, c'est vrai. Il y a un spectre, là, tu sais, le spectre de lumière au complet. C'est ça. Mais bon, tout ça pour dire qu'il faut juste faire la distinction. Quand on parle d'un flou d'arrière-plan, ben c'est vraiment un flou d'arrière-plan. Il y a pas... Puis quand on parle de bokeh, ben c'est l'effet de la lumière qui est rendu flou, mais qui va créer, qui va causer... ou créer une genre de forme. Oui, circulaire. Circulaire. Et on peut aussi créer du bokeh de forme en étoile ou toutes sortes de trucs. On peut recouvrir son objectif avec des formes, avec toutes sortes de trucs. Et ça peut être intéressant à s'amuser, à essayer de justement... là, on vient de passer le temps des fêtes, malheureusement. Mais il y a d'autres occasions où tu peux justement jouer avec... Ben écoute, la Saint-Valentin, Des petits cœurs, avec des petits lapins pour la Pâques. Avec des chandelles. Non, mais tu sais, t'allumes plein de chandelles, là, tu peux t'amuser à faire du bokeh avec ça aussi. C'est beau. Je pense qu'on en a parlé d'ailleurs dans une de nos premières émissions. Je pense que oui. Comment créer un effet bokeh, mais avec des formes. Oui, c'est possible. C'est vague, mais je pense que j'avais... Ça commence à être vague avec 83 épisodes. Dans le temps. Et 4 ans presque. On a commencé en avril 2012 quand même. Fait que, ouais, ça se peut qu'on en ait parlé, mais je voulais juste apporter la distinction, si on veut, là, d'utiliser le terme, parce que même moi, je suis pas mal convaincu que j'ai mal utilisé le terme bokeh à quelques occasions. Et puis, au moins, personne ne m'a lancé de... Personne ne m'a lapidé. Non, mais c'est bien de remettre ça, de remettre les pendules à l'heure. Absolument. Et comme deuxième... Tu fais bien ça, Stéphane. Merci, ça me fait plaisir. Et comme deuxième petit topo, pas très long non plus, mais ça me tentait de parler de balance des blancs, de white balance, ou d'équilibrage des blancs, parce que j'ai vu cette expression-là, que j'aime bien, mais que on dirait que ça rentre moins facilement dans, dans mon vieux cerveau. La balance des blancs, c'est important. Puis souvent, surtout quand on commence, mais même souvent par paresse, parce qu'on a beaucoup de choses à penser quand on fait de la photo, veut pas, souvent on laisse à auto-white balance, tu sais, le balance des blancs automatique, parce qu'on se dit, ben, ça se peut que les conditions changent, puis ça me tente pas nécessairement de toujours calculer. Puis tu sais, il y a toujours la possibilité de calculer avec le fameux carton gris, neutre, ouais. Machin. Puis... Mais la balance des blancs, ben en fait, si on le laisse à automatique, ça va faire exactement la même chose que si on est en mode d'exposition automatique. Ça va faire une espèce d'approximation. C'est clair. Et ben ça va fausser les couleurs de la photo. Puis ben après ça, faut retravailler ça dans Lightroom ou dans un logiciel. Puis mais si on honnêtement, moi je préfère ça pareil. Ben je le fais souvent, mais c'est que quand ta correction est moins... Tu sais, si tu t'es mis en auto-white balance, ça se peut que tu aies plusieurs corrections différentes à faire dans ton lot de photos. Alors que si... Oui. Parce que j'en reparlerai, mais récemment, je suis allé dans une fête, puis on était dans une pièce qui avait toujours à peu près le même éclairage, puis tout ça. Mais là, je me suis mis en balance des blancs fixe selon le type d'éclairage, puis j'ai eu tellement moins de retouches à faire dans mes photos. Il n'y a pas de doute. Fait que c'est juste de faire penser aux gens. C'est bien simple, c'est parce qu'à chaque fois que tu prends une photo, il fait une lecture de l'environnement. Ben oui. Si tu étais près d'une source lumineuse ça change X, tout. Qui n'est plus la même quand tu changes d'endroit dans la pièce ou qu'il y a une fenêtre avec un petit peu de lumière de l'extérieur qui rentre, oh oui. C'est une nouvelle lecture à chaque fois. Exactement. Fait que oui, tu n'auras jamais de constante. C'est ça. Fait que c'est pour ça. Ben, tu vas être proche de la réalité, mais tu n'auras jamais ta constante. C'est sûr. Absolument. Mais c'est pour ça que j'aimais en parler parce que longtemps, pendant 5 ans au moins, je travaillais toujours avec la balance des blancs automatique ou presque. Puis de plus en plus, tout comme je passe au mode manuel maintenant de plus en plus, je passe au mode balance des blancs manuel parce que ben, je sauve beaucoup de temps après ça dans Lightroom. Puis déjà, juste dans l'appareil, tu dis « Ah, parfait, elle, je la garde, elle, je la jette, puis je l'efface. » Puis déjà, de plus en plus, ça, je prends tellement de meilleurs réflexes depuis un an ou deux, là, je dirais, que... Mon temps de traitement de photos et de tri de photos est beaucoup réduit parce que je fais mon tri sur place, ouais. Sur le moment. J'efface, je dirais au moins la moitié des photos que j'effacerais normalement là, rendues sur le PC. Puis ça fait que j'ai beaucoup moins de photos à importer, à traiter, à trier d'abord, ensuite à traiter. Fait que finalement, je sauve beaucoup, beaucoup de temps parce que souvent, quand on prend des photos... On n'est pas constamment en train de shooter, là, de se mettre devant le sujet puis d'essayer de photographier. Mm-hmm. Des fois, il y a des petits temps morts, 1 minute, 2 minutes ou 30 secondes, puis tu as le temps d'effacer une photo ou deux. Puis c'est tout du temps que tu sauves après devant ton ordinateur. Ah, absolument. Puis il peut y avoir une bonne raison aussi à avoir une balance de blanc fixe, c'est que ça va respecter l'ambiance de l'endroit. Oui. Un exemple, là, une scène de jour, tu as de la lumière qui rentre de l'extérieur, c'est normal que... Si tu t'es balancé pour l'intérieur, parce que c'est vraiment éclairé pour l'intérieur principalement, c'est normal que la lumière de l'extérieur elle soit bleutée. Oui. Ça passe très bien, ça, dans une photo, si tu as le contexte. Ben oui, si tu as d'autres photos qui expliquent où tu étais, tout. En tout cas, moi, c'est le même que je vois ça en télé. Justement, aujourd'hui, je filmais une scène dans une maison en rénovation, pour un show de rénovation. J'arrive là, puis c'est surtout les fenêtres de l'extérieur qui baignent, tu sais, bon, parfait. Moi, je me balance comme si j'étais à l'extérieur. Ça donne qu'il y a des pièces qui sont un peu plus jaunes ou qu'il y a des lumières au tungstène, par exemple, qui sont à 3200 degrés autour d'eux. Ben ça donne une image un peu plus jaunâtre, mais c'est ça la vraie vie aussi. Ouais. Quand on est dans la pièce avec nos yeux, on remarque que c'est plus chaud, là. Ben moi, je veux le rendre comme ça aussi. Ouais. Comme si... Fait que oui, les peaux vont être un peu plus chaudes, mais on a compris que dans le contexte, toute la maison était illuminée par... C'est ça. Fait que c'est, pour moi, c'est une raison de ne pas le changer parce que c'est la vie. Non, je suis bien d'accord. Puis j'ai remarqué ça, justement, pourquoi c'était pas nécessairement bon d'être toujours en mode de white balance automatique. Parce que il y a peut-être 3 ou 4 ans, quand j'avais pris des photos au Comic-Con de Montréal, mes photos sortaient toutes plus jaunes qu'elles devaient sortir parce que l'éclairage était fait au néon. Ah ouais. Mais à l'époque, mon 60D calculait peut-être mal ou essayait de rebalancer la couleur de la lumière, la température. Puis toutes mes photos sont sorties plus jaunes qu'elles auraient dû. Ah, mais c'est terrible, là. Ben à cette heure, tu as les LED aussi. Oui. T'sais, fait que ça, c'est bien spécial comme lumière aussi. Là. Mm-hmm. C'est pas clean. Non, c'est ça. C'est pas un... Non, ça fait suer un peu ça, les LED, j'avoue. Là. C'est... Ouais. C'est... En plus, il n'y a pas de standard de qualité là-dedans. Mm-hmm. Ça se fait... Il y en a énormément qui se font en Chine pour pas cher, oui. Mm-hmm. Avec des composantes qui font que la lumière est moins pure. Ouais. Puis tu le vois pas à l'œil. Mais aussitôt que tu prends une photo ou une vidéo... C'est instantané, tu te rends compte que, oh, ça tire sur le vert, ça tire sur le magenta, ça tire sur le bleu. C'est jamais constant. Puis, parce que là, tu prends une photo puis tu le vois, là, OK? Ou tu as d'autres irritants. Je sais pas si toi, tu l'as sûrement vécu. Moi, quand je suis arrivé pour faire des vidéos, j'en ai quelques LED sur des ampoules. Puis, je prends une vidéo, puis elle flash. Ben oui, ouais. Parce que là, tu as le taux de rafraîchissement de la lumière. Uh-huh. Ça m'est arrivé avec des néons dans une salle de quilles, une salle de bowling. Mm-hmm. Et puis, il a fallu que je ralentisse ma vitesse, ou je ne sais pas trop, parce que j'arrivais exactement à la vitesse où le néon, le gaz passait dans le néon, je ne sais pas trop. Ouais. Puis ça faisait en sorte qu'il y avait des endroits où c'était noir dans le néon, puis c'était vraiment bizarre. Fait qu'il a fallu ajuster la vitesse à cause de ça. Ouais. Aussi, pour ceux qui se demandent, c'est quoi des LED? C'est des ampoules ACL ou des néons ACL? Pas ACL. Pas ACL. DEL. DEL, excusez-moi. Ouais. Ben oui. Donc, moi, c'est ça. Là, je cherchais... Non, je me suis trompé avec LCD. Non, non. Ouais. Les diodes électroluminescentes. C'est ça, les DEL, les DEL, et non les LED en anglais. Puis d'ailleurs, ben, c'est ce qui devient le plus en plus populaire. Les fameuses fluo compacts tendent à disparaître. Là, parce que... juste parenthèse rapide, j'ai vu, juste avant de venir au show, une de mes amies a posté que General Electric, d'ici la fin de l'année, n'en feront même plus. Exactement. J'ai vu ça cette semaine. C'est pas une grosse perte, en mon opinion, pour ça, là, mais c'est une autre histoire. Puis là-dessus aussi, j'ai lu il y a 2-3 semaines que le MIT a mis au point une lumière à tungstène, à filament, plus efficace. Les lumières à DEL. OK. OK, elle va-tu être commercialisée, je ne sais pas. Je sais pas. Ben, mais ils ont réussi à faire ça. Eh bien. Fait que, est-ce que ça serait le retour, Au filament? Écoute, moi, j'aimerais ça parce que, pour moi, c'est la lumière la plus... plus chaleureuse. Oui, chaleureuse, belle, puis constante aussi, parce que c'est facile. En fait, tout est basé là-dessus. Mm-hmm. Encore aujourd'hui, les appareils photo et vidéo... Les valeurs en degrés Kelvin sont ajustées sur des ampoules à filament ou à arc, au xénon, je pense, les fameux gros spots de cinéma qu'on utilise, là, qui sont gros comme une roue de tracteur. Là. Ouais. Ça, on appelle ça des HMI. C'est vraiment, ça réplique la lumière du soleil le plus parfaitement. Okay. Quand c'est clair avec ça, c'est comme un rayon de soleil. Là, fait que c'est... À une heure donnée dans le jour, évidemment. Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est à midi, mais en tout cas... Non, t'as dit à une heure. Enfin, bon, on pourrait vraiment s'étendre là-dessus. Clairement. Sur la lumière, puis le spectre. On va pas chercher midi à 14h. Ah. Oh, et je m'ennuyais de vous, les gars. Ah ouais, oui. Bon, ben parfait. Ça fait le tour. C'était juste un petit topo pour... Le tour du cadran? Oui, c'est ça. Oh, Seigneur. J'espère que les auditeurs s'ennuyaient un peu aussi. Bon. Et ben c'est ça. C'était tout simplement pour apporter, pour inciter les gens, les inviter à essayer justement d'ajuster leur balance des blancs, d'arriver à un endroit. Puis maintenant, surtout avec un écran là, ACL, cette fois-ci, je ne me trompe pas, mais quand vous avez un écran ACL derrière votre appareil photo, c'est facile. Vous changez la valeur de balance des blancs, puis vous le voyez directement. Ouais. Vous comparez votre écran avec le plancher, mettons, ou la peau de quelqu'un. Ouais. C'est pas parfait. Non, mais moi, c'est ça qui m'agace le plus. Proche. Parce que je trouve, entre autres, ma RX100 me donne des résultats assez à chier de ce côté-là, je vais être honnête. Là. Okay. J'ai beaucoup de misère avec mes balances des blancs, même quand je les mets fixes. Ben sinon, tu peux y aller en mode personnalisé, le custom. Ouais, j'aime mieux y aller tant qu'à faire. C'est ça que j'avais mentionné. Moi, je préfère le faire en post-prod. Okay. Puis ce que je trouve intéressant, c'est faut pas non plus se fermer. Si vous avez joué un peu avec la post-production, on peut dire, on va y aller à nuageux. C'est tout des choses pré-programmées. Ouais, là. Ouais. Mais jouez avec les languettes nous-mêmes. Vous allez voir les résultats beaucoup plus rapidement, les meilleures choses que vous voulez. Ah, c'est un peu trop jaunâtre, t'as parfait. On va jouer un petit peu, on va rajouter un petit peu de plus de bleu. Dans Lightroom, il y a des valeurs numériques, là, disons entre 2000 et 8000, du déchiffrement. Oh, puis vous pouvez y aller justement s'il est à 6500. Ça vaut la peine. Vous pouvez y ça aller peut à tout 6000, changer. Puis sans y aller avec une valeur préprogrammée. Puis là, vous allez dire, ah, à 6000, c'est presque là. Je change peut-être une centaine de degrés. Puis... C'est tellement plus facile que d'y aller avec les settings, là, disons que... Oui. Mais moi, je me dis, déjà, si je suis quand même plus près de la réalité, oui. Tu sais, à peut-être 300 degrés, ben après, ça va vite. Honnêtement, quand je fais mes... pour les spectacles, c'est clair, je fais pas l'auto white balance parce que là, les résultats sont dans tous les sens, fait que ça vaut pas la peine. Mm-hmm. Dans ce cas-là, je le mets toujours pas de luminosité ou à peu près, puis le résultat est quand même bien. Comme tu dis, j'ai moins de travail à faire par après. Oui. Parfait. Là, on va passer aux suggestions de la semaine. Bon, mais Christian, t'étais bien parti, vas-y donc. Ah, oh, c'est gentil. je sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a eu un gros feu à Dubaï. Oui, j'étais là, sur place. Ah, oui. Ça, c'est après San Francisco, puis avant Tokyo, hein, je pense, c'est ça. François Bongingo, il était là, il était Tokyo. Oh, oui, ben oui, on a pris un verre ensemble. Ouais, c'est ça. Bref, il y a eu un grand hôtel à Dubaï qui a passé au feu. Okay. Puis, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui s'est dit que ça serait une bonne idée de faire un time-lapse de l'hôtel qui est en feu. Mais c'est assez impressionnant à voir, sincèrement, parce que, bon, ils réussissent à le battre, à combattre le feu, mais ça monte pas mal. Uh-huh. Tu te dis, l'hôtel, il est pas en bon état. Là. C'est assez impressionnant. C'est quand même bien. Là. Je me suis dit, ça vaudrait la peine de partager ça avec nos auditeurs. Oui, puis c'est bien fait. Puis bon, clairement, le gars, il avait du temps pour ça. Il était dans son hôtel à lui, puis il s'est dit, tiens, je dors pas, je suis en décalage horaire, puis il y a un beau feu qui se passe devant moi, je vais faire de quoi de beau, là, tu sais, puis c'est magnifique. Vraiment la post-production là-dessus, parce qu'il y a une espèce d'effet de zoom puis de déplacement dans l'image, comme si la caméra descendait le long du building. Wow. Tu sais, puis on s'entend. Puis il n'a pas fait ça avec un iPhone, on s'entend non plus. Non, vraiment pas. Il y avait un bel appareil pour faire ça. Il était très bien équipé pour faire ça. La qualité est super bonne. Bref, il fait partie des témoins importants en ce moment parce que. C'est ça. C'est lui qui a mis le feu, puis on ne sait pas. Il s'était bien installé avant. C'est fou. J'avais jamais vu le feu. En tout cas, je pense pas que j'avais vu le feu en accéléré. Non, c'est rare. Et puis, écoute, c'est fou comment ça ressemble à un petit feu qu'on se fait, là. Mm-hmm. Ça, tu sais, je pense qu'il met des effets sonores aussi là-dedans. Mais on dirait vraiment un feu de petite taille devant nous, parce que la flamme, évidemment, elle bouge plus vite. Contrairement sur un building en temps réel, les flammes, t'as le temps de les voir aller tellement que c'est énorme. Mais là, en accéléré, on dirait vraiment une espèce de bûche qui brûle. C'est fou, là. Puis comme tu dis, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait un zoom complètement au début. Après ça, il recule. Après ça, il recule plus pour voir encore plus la ville. Tu sais, c'est intéressant ce qu'il a fait, le gars. C'est pas juste statique. Là. Il a beaucoup joué avec son image, tout ça. Ouais. Les pompiers qui éteignent le feu, qui essaient d'éteindre le feu avec les lances. Tu vois l'eau qui brûle partout. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Super, on va aller voir beau ça. Beau entre guillemets, là, parce que c'est plate un peu de voir un bel édifice, parce que c'est quand même un bel édifice, passer au feu de même, mais bon, je pense qu'ils ont les moyens de le réparer. Oui, c'est fort possible. François, de ton côté, tu nous parles de... On va rester du côté de l'Orient. Il y a un projet qui s'appelle Syrian Eyes on the World. Mm-hmm. C'est un projet qui est piloté par le Montréalais Youssef Choufan. Ce projet-là, ça vise à nous montrer le beau côté des millions de Syriens qui vont arriver au Canada ou qui sont déjà arrivés en présentant un projet de photos de Syriens par des Syriens, c'est-à-dire des photos de Syriens qui ont été prises par des Syriens. Mm-hmm. Bon, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'aller à contresens de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur ce peuple-là, en fait, ou des immigrants. Ou même juste des visions d'horreur qu'on voit de la Syrie, carrément. On ne voit que ça, ou presque, ces temps-ci. Oui, absolument. Là, on est bombardé dans les médias de ces images-là des migrants qui sont des pas fins, des gens qui vont venir foutre le trouble. Ouais. C'est ce qu'on entend beaucoup. Mais c'est du monde ordinaire aussi. Ben, exactement. Puis, les photos, ils ne montrent que du positif. C'est ça le projet, c'est de montrer ce que les gens font, leurs activités, tout des beaux sourires. C'est des belles photos, c'est pas des photos de concours, mais l'idée, c'est d'avoir un peu d'aide de leur côté en prenant des dons sur le site Syrian Eyes on the World. Puis je constate qu'elles sont toutes en noir et blanc. Oui, ça c'est un choix. Ça me plaît. C'est un choix éditorial. Oui, c'est super. Puis, mais toi, François, est-ce que ça te plaît? oui, absolument. Écoute, c'est sûr qu'il va falloir en débattre, là, sinon... oui, non, mais l'idée est vraiment... c'est vraiment bien. Oui, absolument. Youssef est aussi allé donner un cours de photographie à des enfants dans le camp de réfugiés de Shatila. Ça, c'est à Beyrouth Sud, au Liban. Donc, c'est super aussi parce qu'il y a les enfants qui sont dans des camps. Il faut dire que c'est pas... Ils ont acheter des jouets puis tout ça. Pas des super belles vies. Ouais, ils n'ont pas nécessairement un avenir dessiné d'avance. Non, non, fait non. Que juste d'aller donner des idées comme ça, puis de présenter, tiens, voici comment ça marche, faire de la photographie. Ben, c'est sûr qu'il y en a un ou deux ou trois qui vont faire comme, OK, moi, ça m'allume. Ouais. Puis, ben, c'est ça, on entretient comme ça. Mais savez-vous, passion. Moi, j'ai travaillé avec un Libanais en 98, 99. Oh, mais là, c'est des Syriens qui parlaient. Non, non, non. Mais j'entends parler de Syrie puis du Liban là, depuis justement presque 20 ans. Là, puis ça faisait déjà des années qu'il y avait des conflits puis toutes sortes de trucs entre les deux pays. Là. Et puis c'est ça, c'est drôle de voir que, parce que j'ai remarqué, vu que j'étais au courant depuis 98-99, mm-hmm. on n'en entendait à peu près pas parler non. pendant toutes ces années-là. Mm-hmm. Et là, tout à coup, ah là, il y a un conflit, c'est grave. C'est drôle que... où il y a eu une accalmie, puis parce que j'ai perdu le type de vue un peu, là, mais en tout cas, ça fait longtemps que il y a des trucs qui se passent dans ce coin du monde, ben, c'est une dictature, hein, ouais, c'est avant ça, que ça soit renversé, ouais. en fait, puis que d'autres pays s'en mêlent, ben, c'est ça qui est arrivé aussi, ça a vraiment déclenché, OK, on va aider les opposants au régime, ouais. Fait que c'est là que ça s'est passé, mais effectivement, ça aurait pu se passer avant aussi. Ouais. Il y a d'autres pays qui sont un peu pris dans le même... dans la même situation. Ah oui, clairement. T'sais. Mais bon, c'est de la grande politique internationale. Ouais. Puis ça aussi, c'est un autre sujet. Ça, c'est notre prochain podcast. Ouais. Oui, c'est ça. On poursuit le tour du monde. Moi, c'est pas assez loin. Moi, je parle de Corée du Nord. On en a déjà parlé de la Corée du Nord et à quel point c'est facile de prendre des photos là-bas. Ouais, ouais. Oui, clairement. Ouais, ouais. Walk ben, in the park. C'est ça. Ben moi, j'ai vu passer sur Facebook, j'ai le Facebook d'Émilie Laperrière. J'ignore si c'est une auditrice, mais je la salue parce que je la connais. Un photographe qui s'est fait bannir de Corée du Nord pour ses photos. Parce qu'il a pris des photos non seulement de soldats, mais qui n'étaient pas nécessairement en fonction, ou qui avaient l'air joyeux, ou je sais pas trop. Puis il y a des belles photos, là, tu vois, des gens dans leur élément, dans leur vie quotidienne, si tu veux. Mm-hmm. Là, ben, il n'était pas chaperonné. Tu sais, souvent, en Corée du Nord, tu vas avoir un représentant du gouvernement qui surveille tout ce que tu fais. Ben, le type qui s'appelle Éric Laforgue dit qu'il a réussi à aller prendre des photos de façon fort simple en demandant un visa et en disant que, ben, en se déclarant journaliste ou photographe professionnel, c'est encore plus facile parce que, bon, oui, il y a un petit peu de tourisme. En Corée du Nord, yish. mais c'est ça, lui, il a fait des photos avec un appareil Hasselblad, et il disait que c'était pour des souvenirs, en fait, mais finalement, ben, quand ils ont découvert que c'était pas pour des souvenirs, ben, ils ont dit, toi, tu ne remets plus les pieds ici. Mm-hmm. Ouais. J'aime bien sa photo de l'aéroport, que tu vois le panneau pour les vols, puis il y en a un. C'est tout. Oui, je viens de le voir. Ouais. Il y a un vol pour Pékin, c'est tout. Ouais. Ah. Ben voilà. Donc, il y a moins de risques de se tromper de vol. Ah non, de, ça, ça c'est clair. Là-dessus. Ah, écoute, enfin. Là, c'est pris un aéroport comme à Gaspé. Ah oui. La Corée du Nord, c'est pas petit. Là. C'est ça. Mais bon. C'est une photo, c'est cool comme photo. Ah oui, ouais. C'est très cool. Non, ça fait un peu déprimant, là, mais avec le vieux papier peint que tu vois qui décolle carrément mur à passer. Ouais. Là, c'est... Non, mais c'est ça. Les auditeurs pourront aller voir, mais il y a de très belles photos. Il y a des photos retouchées, évidemment. Mais c'est quand même intéressant parce que, justement, comme François nous en avait parlé quand il nous a parlé de la Corée du Nord, c'est pas des photos qu'on voit souvent, c'est pas un endroit qu'on voit souvent en photo. Ah non, c'est à découvrir, mais ce pays-là, là, en photo, les photographes qui ont la chance d'aller photographier ça, waouh, tu sais, la chance de voir des choses que personne d'autre a vues encore. Ouais. Et puis, ben, on complète le tour du monde en revenant tout près de la maison à New York, c'est ça, qui n'est pas très loin de Montréal. Hein. Si jamais il y a des amis européens qui veulent venir visiter Montréal, New York, c'est environ 6 heures d'auto heures, de Montréal. Ouais. Bon, il y a la douane à passer où il y a parfois des files de 3 heures de temps, mais ça dépend de la date. Mais bon, non, c'est ça, c'est qu'il y a eu une grosse tempête récemment à New York, et puis il y a des gens qui se sont amusés à prendre des photos. Puis il y en a de vraiment très belles, dont le fameux petit building, le Iron... Le Flat Iron Building. Oui. Puis là, on voit toute la neige avec le vent et tout ça. Ils ont vraiment eu plus de neige que nous autres, Oui. Non, mais on va toucher à du bois, comme on dit, mais on est assez épargné cet hiver, côté froid et neige. Non. Non? Ah, non. OK. On dit rien. Non, moi, j'en veux de la neige. Moi aussi, j'en veux de la neige. Je sais, vous faire du ski. Oui. Mais bon, moi, je ne m'en plains pas trop. Mais tu vois, j'ai déprimé ce matin parce que j'ai regardé là, dans la cour puis je voyais du vert. Ouais, y en a, hein. Chez vrai, nous, en avant, c'est presque complètement vert. On voit le gazon. On est en janvier. Non, on est en février. Ben c'est ça, c'est encore pire. Le printemps approche. C'est encore pire. Hey, toi, là. Mais par la même tempête, je vais essayer de le retrouver, mais j'ai vu un time-lapse où ce qu'on voyait la chute de neige, c'est quelque part, c'est un état du Midwest quelconque, là, Nebraska, whatever, en tout cas. Puis tu vois la neige monter au début, puis tu fais quand il y a un barbecue. Puis là, tu te dis, OK, mais ça monte, c'est pas pire. Puis tout à coup, à un moment donné, c'est que tu vois plus le barbecue, tu vois plus rien. Puis là, tu vois plus rien parce que c'est rendu à la hauteur de la caméra. Quand tu dis, OK, eux autres, ils en ont eu de la neige Ah, ça me rappelle une année où François était venu regarder un match de hockey ici. Et puis, lui, il pensait repartir en fin de soirée pour aller au cinéma, je sais pas trop. Puis finalement... Retourner chez lui. Puis là, il sort dans la rue, qui avait pas été déneigée. Et puis, sa voiture reste coincée tellement il avait neigé dans la rue. Fait que là, on a repoussé l'auto dans l'entrée, puis il a passé la nuit ici, puis il m'a aidé à pelleter le lendemain. Ah ouais, ouais. Puis il y en avait de la neige. Eh, monsieur. Il y en avait. Hey, on mettra la photo où t'es couché sur ta voiture. Ben oui, il y a une photo de ça qui existe. Oui, oui, il y a une photo. Ben, ça serait le fun. Je suis sûr que les Français, les Européens, tout ça, vont être contents de voir. Ben oui, ils n'ont jamais vu ça. Non, mais autant de neige. Oui, je sais. Pas qu'ils n'ont jamais vu de neige, voyons. Je te taquine. Mais je me prends une note là, pour pas oublier de mettre pour ça. Pour propager le fameux hiver québécois. Oui. Écoute, il y avait été quelque chose. Hein. Cette tempête-là avait été assez intense. Mais dans l'hiver, au complet, là, je crois que ça dépend des endroits, mais il était tombé entre 3 et 4 mètres de neige cet hiver-là. C'est incroyable. Ouais, hein. Hey boy, hein. C'est quelque chose. Ouais. Alors voilà, sur ces belles paroles qui plaisent aux skieurs et aux surfeurs des neiges. Ouais. On va terminer l'épisode. Merci beaucoup, François. Merci, Stéphane. Merci, Christian. Merci, Stéphane. Et merci, chers auditeurs, d'avoir attendu si patiemment pour ce 83e épisode. On est très heureux de vous retrouver. Et la semaine prochaine, mais non, dans 2 semaines, comme d'habitude, on va vous parler d'un paquet de trucs. Nouvel appareil, le nouveau Canon 1DX Mark II. Mm-hmm. On va parler de Zeiss, de Sigma, de Fukushima, tant qu'à rester dans les noms. J'apprécie. On va parler de Star Wars épisode 7. Oui. Bon. Je vous promets, aucun divulgateur. Spoiler, si vous préférez. Ouais, je déteste divulgateur. Ah, moi j'adore, c'est tellement laid que ça me permet. Ça fait plaisir de le dire. C'est tellement laid que c'est presque beau. C'est tout sauf français. Ouais, je veux dire, il y a juste au Québec qu'on dit ça. Là, c'est l'office de la langue française, je te le confirme. Ben, ouais. Alors, pas de spoiler, mais on va parler de Star Wars épisode 7. Alors, d'ici le prochain épisode. Avant. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de sites ou de galeries photos à nous envoyer, peu importe. Vous nous écrivez à podcast@objectifnumerique.com. Vous pouvez nous suivre sur Facebook à Objectif Numérique, Google+, même chose. J'ai pas vu la communauté récemment, mais on doit approcher des 9000 membres. Elle est un peu laissée à elle-même, mais il y a énormément de photos qui se partagent et il y en a de très, très belles. Si jamais tu veux aller voir François. Oui, je te promets que j'irai voir un jour. Et puis, si vous voulez nous suivre sur Twitter, c'est au numérique. Donc, d'ici au prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.